BR Métal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Métal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Métal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de d'Olbeau-Mistassini. On va parler d'hockey mineur de d'Olbeau-Mistassini avec le président David Lamontagne. On commence nos chroniques. Salut David! Salut Danny! David, ronde novice atome à d'Olbeau-Mistassini, c'est toujours un petit moment le fun, ça. Oui, c'est la ronde novice, pas atome, là. Ok, mais, c'est oui, vrai. C'est le fun, c'est le premier tournoi des novices, premier tournoi dans leur hockey mineur. Je pense aussi que cette année, ils ont de la place pour les mags. Je pense qu'il y a des matchs mags aussi. Le nombre d'équipes, je pense qu'il y a peut-être une vingtaine d'équipes. Là. Ça ressemble pas mal aux autres années. OK. Ça vient de où, ces équipes-là? Ben, normalement, c'est régional. Là. Je sais pas s'ils ont des équipes de l'extérieur, mais normalement, c'est Saint-Nélec-Saint-Jean. Mais il me semble que j'ai vu une équipe de l'extérieur. Là. OK. Mais ça, c'est plus régional, là, au niveau novice. Là. Ouais. OK. Donc, 20 équipes. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, c'est le premier tournoi. C'est toujours le fun d'avoir ces petits tournois-là. C'est toujours le fun. On a regardé. C'est des jeunes. C'est que le match d'ouverture est ce soir à 7h15. Okay. Si les gens veulent s'y rendre, je sais que c'est les Castors Novissa qui jouent le match d'ouverture. OK. Autre bonne nouvelle également, j'ai appris ça au cours des dernières... tu m'as appris ça, la ronde des champions qui va être présentée à d'Olbeau-Mistassini cette année. Exactement, ça se trouve être la fin de semaine du 6-7-8 avril. C'est les champions des séries Simplelette du Lac-Saint-Jean qui affrontent les champions séries Simplelette du Saguenay. Mm. Cette année, c'était au Lac-Saint-Jean, puis c'est nous autres qui avons eu qui a l'honneur d'accueillir les équipes à l'Olbeau-Mistassini. OK. Donc, ouais. Ça, c'est pas mal de fun. Année après année, c'est toujours un petit tournoi. Les équipes là, du Lac, ils figurent-tu bien ou... J'en ai aucune idée, là. C'est sûr que c'est toujours, de toute façon, chaque année dans les séries, il y a toujours des surprises. Ouais. C'est sûr qu'on espère toujours avoir des équipes locales au travers du lot, là. Mm. Ça, c'est le fun. Puis en même temps, ça prolonge la saison aussi. Là. Ben ça oui, prolonge, c'est sûr. Ouais. Autre chose à ajouter, David? Pardon? Autre chose à ajouter, peut-être, non? Non, rien de spécial. OK. Peut-être le tournoi Midget qui s'en vient. Oui, on va en reparler aussi de ça. Notre prochaine chronique. Oui, on va en reparler aussi de ça. Ben, David, on s'en reparle vendredi prochain. Merci beaucoup. C'est le commentaire de David Lamontagne.